Je m'appelle Espoir, je brille dans tes yeux. Je brille parfois le soir entre deux amoureux. Je brille sur le trottoir, un pauvre mais heureux. Je brille sans le savoir, un cœur chaud malheureux. C'est la note de l'espoir, voir du rose quand d'autres broient du noir. C'est la prose sans la rage, c'est juste. C'est juste un conte de sage. Ce souvenir de la rose et du matin sous nos pieds nus, dans l'herbe verte parfois fraîchement tondue. Ce souvenir d'avoir croisé sa main tout en la regardant. Ce souvenir de nos couleurs, de nos rêves d'enfants. Ce souvenir de ses bras qui nous serraient tendrement. Sa voix qui nous apaisait tout en nous endormant. Avoir eu la chance d'avoir pu lui dire en chantant, ou doucement au creux de son oreille, je t'aime maman. Avoir eu un père, souvent absent. Aventurier de son salon, mais le cœur vaillant. Pas toujours parfait, pas toujours souriant. Avoir le courage d'être et de rester pourtant. Raconter l'histoire de mes grands-parents, de cette époque noire où il fut résistant. M'expliquer le déclin de ce qui est existant. Me donner les conseils des épreuves arrivant et me faire perdre le sommeil car c'est décevant. Il m'a dit que la seule raison d'être vivant, c'est que nous sommes l'espoir d'autres gens tout simplement. Qu'il faut se serrer les coudes pour se serrer les cœurs. Que si beaucoup me boudent, il ne faut pas en avoir peur. Car ils n'ont pas tous le courage d'aller à contre-courant. Et m'a dit qu'à mon âge, je devais plutôt profiter de mon temps. Et j'ai perdu le goût de m'amuser en grandissant. Car j'ai dû payer leurs erreurs argent comptant. Comme un déclic de la conscience à bout portant. Ma vie me déçoit pas si j'en parle au présent. Carpe diem est la doctrine de ceux qui m'entourent. Marche ou crève, sois victime, ça marche pas, ça court. Il commence tôt en régurgitant ce que t'apprends en cours. Faire partie du loup ou être différent, y'a aucun recours. Ils te disent de ressembler aux autres si tu veux de l'amour. Alors nous rassemble et nous fusille sans aucun détour. La couleur des roses, le chant des oiseaux, des vers, des proses couchant tant de mots. Du papier musique, une odeur de barbe à papa. Dessin fantastique ou embarqué dans une salsa. Ce monde émerveille encore quand il ne se vend pas. Ce monde émerveille, il te prend dans ses bras. Ce monde t'aime, il se contente de toi. Il te sourit, mais tu es aveugle, tu ne le vois pas. Un regard d'ange dans la rue qui fait battre ton cœur. Ce qui te dérange, c'est que selon la télé, tu es un loser. Car ils disent que tu n'es pas normal à vouloir une âme sœur. Alors tu as peur de recroiser ses yeux et faire son malheur. Mais écoute-le donc ton cœur, il bat à 100 à l'heure. Écoute-le donc ton cœur, il est le seul maître du bonheur. Écoute-le, lui qui te dit la vérité sur tes sentiments. La télé n'est qu'un mirage où chaque mensonge se vend. Il formate nos consciences en haute définition, banalisant avec aisance toute leur destruction. Mais rêve encore toi l'humain, ouvre la fenêtre et sens son parfum. La vraie vie est là dehors, tu le vois, rien n'est mort. Alors coupe ta télé car elle t'endort. Prends un livre et sors, direction le parc au pas de sport. Tu t'assieds là sur un banc public, tu entends les enfants, non plus le trafic. Et puis tu recroises ses yeux, tu rougis un peu. Elle s'assied près de toi, te regarde une minute ou deux. Puis te dit doucement, j'habite à côté de chez vous monsieur. Je vous croise souvent dans la rue, et je croise toujours vos yeux. C'est rare de nos jours, la plupart visent plus bas. J'aimerais déjeuner avec vous demain, si ça ne vous dérange pas. Et là où cette vie t'a appris à craindre le pire, à dire non pour ne pas souffrir, tu dis, pourquoi pas. Je m'appelle Espoir, je brille dans tes yeux. Je brille parfois le soir entre deux amoureux. Je brille sur le trottoir, un pauvre mais heureux. Je brille sans le savoir, un cœur chaud malheureux. C'est la note de l'espoir, voir du rose quand d'autres broient du noir. C'est la prose sans la rage, c'est juste, c'est juste un conte de sage. Écoute-le, lui qui te dit la vérité sur tes sentiments. La télé n'est qu'un mirage où chaque mensonge se vend. Extreme Killer. All around the production.